Vous écoutez Futur Simple, vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et pour se mettre en appétit, on va parler de bœuf, mais peut-être pas de la façon la plus alléchante qui soit. Depuis quelques semaines, le bœuf fait les manchettes. Des milliers de tonnes de bœuf traités avec Cellfood, possiblement contaminés par une souche de E. coli en Alberta, ont été rappelés par la CIA. Alors, c'est pas facile pour le consommateur de s'y retrouver puisque le bœuf se retrouve dans plusieurs produits sous différentes marques, sous différentes formes. Alors, pour nous éclaircir, notre chroniqueuse Christiane Dupont va nous en dire davantage sur ces rappels alimentaires qui sont somme toute historiques. Bonjour Christiane. Bonjour Valérie. Alors d'abord, pourquoi y a-t-il un rappel de bœuf contaminé ces dernières semaines? Bien, comme probablement la plupart des auditeurs ont déjà entendu parler de ça, c'est beaucoup dans les médias. Oui. On ne peut pas y échapper, le bœuf. Et puis le bœuf, bon, ben, c'est une viande qui est quand même consommée en grande quantité habituellement. Donc, c'est les produits de la compagnie albertaine Excel Food, qui est un énorme abattoir. C'est l'abattoir le plus grand au pays. Donc, il y a plus de 2000 employés. Il y a une capacité de traiter 1,4 million de bêtes par année. Et bon, ben, la viande est soupçonnée d'être contaminée par une souche de E. coli qu'on appelle la O157H7. Donc, c'est une souche particulière de E. coli. Faut pas oublier que nous sommes remplis de E. coli, nos intestins. Oui, c'est ça. C'est une bactérie qui est très, très, très présente dans l'environnement. Elles sont pas toutes méchantes. Elles sont au bon endroit. Elles aident à digérer. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a certaines souches qui peuvent causer des désordres intestinaux assez graves. Il y a eu une dizaine de cas de contamination par année cette année pour ce rappel de bœuf-là. Il y a toujours beaucoup de contamination par année au Canada, mais il y a personne qui est décédé là pour l'instant, une chance. Donc c'est ça, il y a eu des milliers de tonnes de bœuf qui ont été rappelées d'un bout à l'autre du pays, même aux États-Unis. Et puis donc il y a certains pays qui ont fermé un peu leurs portes. Il y en a même qui ont été détruites, hein, des tonnes de viande. C'est dommage parce que c'est beaucoup d'énergie, de ressources pour une contamination possible, mais on n'est pas certain. C'est quand même beaucoup de gaspillage. Donc, comment la viande a pu être contaminée par E. coli? Parce que finalement, bon, même c'est peut-être normal qu'il y ait des E. coli dans le bœuf. C'est pas évident parce que, bon, typiquement, juste un rappel, c'est surtout le bœuf haché qui est le plus à risque d'être contaminé par du E. coli parce qu'il vient souvent de plusieurs parties de l'animal qu'on hache ensemble. Donc le bœuf haché, hein, on fait pas de tartare de bœuf haché là, on mange pas ça cru, c'est bon. Donc c'est le plus susceptible, mais d'autres coupes de viande aussi peuvent être contaminées par le E. coli. La contamination se fait par un contact de matière fécale à la viande. Donc ça a l'air, mais faut pas penser que c'est mon Dieu, quelqu'un est allé aux toilettes. Puis tu sais, ça peut être beaucoup plus subtil que ça parce qu'un colis est vraiment très très présent dans l'environnement. Puis comme dans l'introduction, c'est un rappel qui est difficile parce que comme on dit, c'est le steak haché, mais peut-être aussi d'autres coupes de viande. Donc le rappel est très très important. Le bœuf de Excel Food est sous différentes marques, sous différentes formes, différentes coupes. Donc ça vise très très large dans les supermarchés. Excel Food fournit 35% de tout le bœuf vendu au pays. Ouais, ça explique l'ampleur du rappel aussi. Hein? Ça explique parce que c'est un tiers du bœuf là qui pourrait être potentiellement contaminé par cette souche là. Finalement c'est le steak haché, mais s'il a été en contact avec d'autres morceaux de viande non hachés, il peut y avoir contamination. Ça peut se retrouver dans différentes sortes de coupes et finalement différentes préparations qui vont se retrouver dans différents magasins d'épicerie. Et personne ne veut prendre de chance, donc on rappelle tout et puis c'est bien compliqué de se retrouver. Donc, c'est ça. Comment ça peut être contaminé? Bon, ben, dans le processus d'abattage, la chair animale peut être en contact avec de la matière fécale, mais ça peut être sur le dessus de la coupe de viande ou même à l'intérieur, parce que des fois, il y a un genre de piquetage qui font dans les coupes. Et puis là, ben, si l'objet est contaminé, ben là, on fait comme une infiltration de E. coli dans la viande. Donc, et puis, selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la CIA, la détection de la bactérie E. coli dans les abattoirs, c'est pas exceptionnel parce que bon, il y en a partout, ça arrive, là. Mais on s'attend à ce que les établissements où il y a ça détecté, ben, qu'ils prennent des mesures très rapidement et c'est là le problème d'Excel Foods. Le problème a été signalé pour la première fois le 4 septembre et puis 3 semaines après, il n'y avait toujours pas un plan et puis il n'y avait pas de mesures adéquates qui avaient été prises. Donc là, l'agence s'est dit, on va suspendre le permis parce que vous n'avez pas réglé le problème. Voilà, il y avait une grosse lacune. Donc, les conditions de salubrité dans l'usine, au fond, est-ce qu'elles étaient acceptables? Bien, faut avoir aussi l'idée que c'est difficile, ça va être très difficile à gérer un endroit où il y a 2000 employés Puis il faut garder ça stérile, hein. C'est la problématique. Puis, 1 million de bœufs qui passent, c'est tout de l'organique, du vivant, là. L'erreur est humaine. Et puis, c'est dur de garder un environnement énorme, stérile. Je crois que faire ça à une échelle aussi grande aussi pose des défis particuliers que c'est peut-être pas la plus logique à faire, finalement. Et puis, bon, c'est très dur de savoir ce qui se passe derrière les portes closes des abattoirs, parce que, bon, c'est pas vendeur, hein. Personne veut filmer ça. Personne, aucune usine veut que ça passe à la télé, des images des abattoirs. Faut pas que les gens voient le lien, hein, entre ce qu'on mange et puis, bon. On aime bien les vaches dans les champs, mais à l'abattoir, c'est un peu moins bon. Non, on veut pas voir la transition entre les deux un peu. Et puis, donc, il y a des ex-employés de Excel Food qui auraient relevé des failles importantes dans le processus d'abattage, des instruments qui tombent au sol, on les ramasse, puis on les réutilise. Bon, des problèmes de salubrité, des écoulements de désinfectants sur la viande, c'est un peu ragoûtant, je trouve, des thermomètres inadéquats, etc. Donc, c'est difficile parce que c'est un manque de transparence qui fait qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas des agents, des inspecteurs de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments qui devraient faire ce travail? Ben oui, et puis c'est faut dire que c'est pas évident parce qu'un seul animal peut contaminer toute la production. Donc, c'est dur de trouver la source au départ. Puis, il y a des inspecteurs qui travaillent à temps plein. Donc, il y a 40 inspecteurs et 6 vétérinaires de l'Agence fédérale qui travaillent à cet établissement-là de Excel Food, c'est quand même impressionnant. 40 inspecteurs. Ouais. Et puis, y a beaucoup de gens qui travaillent, sauf que, la loi la légitimité à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, elle est passée date, et puis elle ne donne pas beaucoup de pouvoir punitif aux entreprises. C'est comme si la loi était un peu trop douce. Et puis, le manque de transparence aussi, parce que même s'il y a des inspecteurs de l'agence, on n'a pas accès à des rapports. Ils doivent émettre des rapports. Qu'est-ce qui se passe? C'est très, très opaque. Et la compagnie Excel Food ne parle que par communiqué. Elle a beaucoup répondu. Il n'y a pas eu beaucoup de porte-parole de gens qui ont osé s'adresser aux médias. Donc, ils ont mis du temps, d'ailleurs, à s'adresser aux médias. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a eu finalement... donc, c'est tout un manque de transparence qui fait douter un peu de... des bonnes procédures, disons. Ouais. Et on voudra pas que ça se répète dans l'avenir. Donc comment on peut empêcher que de telles histoires arrivent à grande échelle? Malheureusement, tant que les abattages sont concentrés dans des méga installations, c'est un risque qui va toujours être présent parce que bref, il y a 2000 humains aussi qui sont là. L'erreur est humaine, même si on n'est pas mal intentionné ou juste négligent ou bref, ça reste. On augmente la probabilité que ça arrive. Oui, exactement, ça c'est certain. Et puis bien sûr, le système agroalimentaire lui-même, surtout nord-américain, mais européen aussi, est basé sur la production d'aliments en grande quantité et bon marché. Donc, c'est moins cher de faire des énormes installations et de tout faire ça sans trop faire attention à la qualité et à la qualité de vie de l'animal. Aussi, il faut penser, c'est intéressant parce que, on dit le problème... On s'intéresse juste là à la qualité de la viande. Une fois qu'elle est dans nos assiettes, elle peut être dangereuse, mais on s'intéresse pas à la qualité de la vie de l'animal avant qu'il se rende dans l'assiette le aussi. Le bien-être de l'animal. Et avoir un animal qui est en mauvaise santé, qui a été stressé toute sa vie, qui a eu des conditions insalubres, ne donne forcément pas une très bonne viande, hein, parce qu'il y a un système immunitaire faible. On le tue dans des conditions pas très bonnes. Ça fait pas la viande de la meilleure qualité, je pense, en bout de ligne. En Europe... il y a des critères qui sont un peu plus sévères pour l'élevage des animaux qu'au Canada. On est moins avancé à ce niveau-là. Donc, la viande, les œufs, les produits laitiers, souvent, c'est ça, ils viennent d'animaux qui ont des existences, disons, pas très heureuses. On a peut-être déjà vu des images de poulaillers dans des cages ou des porcs. C'est pas toujours l'idéal. Donc, ça porte à réfléchir. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est... le consommateur doit poser des questions. D'où vient la viande? Mm-hmm. Et puis d'ailleurs, depuis le rappel, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être voir les plus petits producteurs viande bio. Quoi qu'il faut savoir, là, ça veut pas dire qu'il peut pas avoir de contamination d'une viande biologique. Là, au moins, c'est plus facile à prendre des mesures. Quand il y a un petit établissement, c'est plus facile de cerner l'endroit et de prendre des mesures correctives. Exactement. Et puis, c'est ça, la mesure est plus facilement applicable. Le rappel est moins gros. Aussi, Donc, ça fait toute la différence là à ce niveau-là. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de contamination sur un petit producteur, mais c'est beaucoup plus facile de remédier à la situation que de fermer une usine de 2000 personnes, d'essayer de tout décontaminer en sachant pas trop où est la source du problème, puis que peut-être la semaine prochaine, il y aurait un problème aussi, on le sait pas. Mm-hmm. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir, parce qu'on entraîne un débat de société, ça ramène un peu les gens, bon, mais c'est peut-être pas une bonne idée de faire des gros abattoirs comme ça. Donc, ça peut au moins faire un petit cheminement. Oui, absolument. Voilà. Ouais. Mais je crois qu'on a encore du chemin à faire, effectivement, parce que à l'épicerie, quand on regarde finalement la plupart des paquets de viande, on sait pas d'où vient la viande. Il y a très peu d'informations, à part si ça vient effectivement d'un petit producteur. Ouais. Mais sinon, on sait pas d'où vient la viande, ni la ferme, ni l'abattoir. On sait même pas si ça vient du Canada ou des États-Unis. C'est ça, traçabilité est quasiment nulle. C'est dans un truc de styrofoam avec un prix. Puis le nom de la coupe. C'est donc, il y aurait beaucoup de travail à faire pour la traçabilité de la viande, alors que c'est le consommateur qui porte tous les risques, qui le paie. Ça serait vraiment quelque chose d'intéressant dans l'avenir, c'est certain. Absolument. Alors, merci beaucoup, Christiane, de nous avoir aiguillé sur ces sur ces histoires de traçabilité et de finalement de ce qui se passe avec la viande qu'on mange, d'où vient la viande qu'on mange. Merci, Valérie. Et on va faire maintenant une pause musicale sur CKRL au 89.1 et après on change complètement de domaine puisqu'on parlera des diamants.